J'en ai marre, je veux me barrer d'ici. Loin tous ces connards comme Bush ou Sarkozy. Pourquoi eux auraient le droit de polluer ce monde qui se trouve sous nos pieds? J'y comprends plus rien. Il y a encore 10 ans, on vivait bien. On se posait pas de questions sur demain. On pouvait s'occuper des siens. Aujourd'hui le monde va plus. Quand je vois tout ce que font les gens, je suis déçu. Il ne faut pas s'avouer vaincu. On peut sauver la terre avant d'être perdu. Il faut s'y prendre maintenant. Arrêtez de ne penser qu'à l'argent. Écoutez plutôt votre environnement. Et sauvez-le soigneusement de tout ce qui peut le tuer. De cette découverte du progrès, de cette pollution sans intérêt. Et finalement de ne faire que reculer. L'homme ne sait faire que ça. Tout dégrader pour savoir s'il est le maître ou pas. Y'a qu'à voir ce qu'il a fait à Hiroshima. Les séquelles tout le temps le gardera. Regarde ses enfants, du tiers-monde jusqu'en Afghanistan. C'est pas la nature qui les a mis dedans, mais plutôt l'homme. Regarde dorénavant, il nous parle de progrès, d'avoir une notion de respect. Mais le respect, en ont-ils quand ils font cramer leurs déchets nucléaires sur les îles? Ouvrez les yeux sur l'avenir. Regardez, le monde est en train de mourir. C'était de vous battre pour rien. Et la terre est faite pour un tabac. Ouvrez les yeux sur l'avenir. Regardez, le monde est en train de mourir. C'était de vous battre pour rien. T'aimes pas les mecs sensibles. Au-dessus de chaque tête, il y a plus de sensibles. Rien à foutre, il faut que je sois pas crédible. Et toutes vos morales, elles sont horribles. Le monde est brûlé, nous on hurle. Tandis que le progrès nous encule, que la musique tourne sur émule. Et la concurrence est pour faire avancer la mule. La terre pour mon frère et nous on boit des pierres. Répartis sur la calotte glaciaire. Certains crèvent, la capote c'est cher. Les politiques nous volent par derrière. Soyons maudits mais profitons de la vie. Ils nous ont pourris jusqu'à l'autre de la nuit. Ils détruiront ton existence pour une Audi. Pour plus de conquêtes, ils crameront ton taudis. La planète crame sous les coups de feu, les ventes d'armes. Souhaitent des beaux couverts, des larmes dans les poignets sont les larmes. Profite tes dernières heures. De toute façon, on ira tous en faire avec toi et ta sœur. Ouvrez les yeux sur l'avenir. Regardez, le monde est en train de mourir. C'était de vous battre pour rien. Et la terre est faite pour un tabac. Ouvrez les yeux sur l'avenir. Regardez, le monde est en train de mourir. C'était de vous battre pour rien. C'est de vous battre pour rien. Et de vous. regarde ton monde encrassé jusqu'au fond par ta faute, pauvre con. Cupidité, stupidité, on t'a saché cette terre. Dis-moi maintenant ce qui empêchera une nouvelle glacière. Mais bon, tu continues à t'engraisser sur ton tas d'ordures tout cramé. On va vers une chute certaine. Malgré tout ça, on se quitte la gueule par milliers, tentant d'oublier ce qui va nous arriver. Pourtant, on pourrait vivre simplement une cabane, un potager, un peu à fumer, sans prétention, sans pollution. Ok, l'utopie c'est pas pour aujourd'hui, donc on va s'asseoir et on va boire et oublier. Et ouais, super, on finira tous en enfer. Ouvrez les yeux sur l'avenir, regardez le monde est en train de mourir. C'était de vous battre pour rien. Si on savait pas que demain y'en aura pas, et ça fera boum boum boum boum dans nos cerveaux liquéfiés par les conneries de la télé. La télévision fausse notre vision.